Silence sur le plateau. Oui, écoutez, hein, maintenant ça suffit. Hein. Bon, Martine, vous envoyez les cigales? Oui. Vous envoyez la musique? Oui, ça y est, c'est bon, c'est prêt, chef. Ok, parfait. Ouais. Ça tourne. Oui. Et action! Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue plantée au bord du plan de l'aigle. Cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de Louvaune. La tour est un peu plus large que haute. Non, coupez. Oui, c'est bon là, parce que ça va pas du tout sur Martine, le plateau. Martine, s'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-moi, Monsieur Pagnol, chef. Vous étiez parfait. Je peux vous appeler Marcel ? Oui, tout à fait, vous pouvez. D'ailleurs, je vous présente Martine Grouillot, ma nouvelle assistante réalisatrice. Enchantée, Monsieur Pagnol. Ouais. Enchantée, Martine, c'est un plaisir. C'est un honneur, Monsieur Pagnol, c'est un honneur. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer. Par contre, les cigales, on va virer. Hein. On change les cigales, non, monsieur ? Non, on va virer. Oui, d'accord, chef, pas de soucis. Putain de sale bestiole, tout à ça fait. Fout un bordel pas possible. Tout de même... Le cigale. Oh, d'accord. Ok, pas de soucis, on retire les cigales, d'accord. Et sans vouloir vous vexer, ça fout un bordel pas possible, on sait jamais d'où elles viennent ces saloperies. Donc... Non, je comprends, c'est votre film, mais tout de même, les cigales. Bon, alors, ok, chef, on retire les cigales, vous voulez que je vous mette quoi comme sont les canards, les... Ouais, j'ai les mouettes, ouais. On met les mouettes. Les mouettes, c'est bien, c'est gracieux, d'accord. C'est intelligent, ça oui. A l'œil vif. Tout putain, à fait. Et ça me rappelle mes vacances à Concarneau. Allez, on met les mouettes, chef. Ouais. C'est pas tout à fait le même paysage, mais bon, je m'adapte. Ok, c'est un plaisir de travailler avec vous, Monsieur Pagnol. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais... Donc, je reprends du début. Alors, silence plateau. Silence, putain, fermez vos gueules. Oui, c'est vrai, taisez-vous maintenant, là. Allez. Bon, Martine, vous envoyez les mouettes. Oui, allez, c'est parti. La musique. C'est parti. C'est une poésie. Marcel, vous faites pareil. Ça tourne. D'accord. Et action. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue, plantée au bord du plan de l'aigle. Cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de Louvaune. Non, coupez. Ça va pas du tout, là, ça va pas. Tout le monde a sa place. Il fallait pas que je refasse le début. Non, Marcel, vous, c'était parfait. Monsieur Pagnol, vous êtes extraordinaire, mais le chef réalisateur a une vision, et c'est pas celle-là. Merci. Oh, j'entends. Je vous en prie. Non, la musique, c'est vieux. Ça va pas. J'ai pas 70 ans, putain. Mais c'est vrai, vous êtes tellement jeune et tellement beau. On n'a pas un truc un peu plus, si, un peu si. Plus jeune, un truc qui peut aller avec les mouettes, ouais. J'ai du David Guetta ou. Je rappelle tout de même que cette histoire se situe au début du XXe siècle. Oui, mais tu es Pagnol, sans vouloir vous vexer, on n'est pas là pour se faire chier non plus. C'est mon film. Sinon j'ai Calogero, j'ai. Qu'est-ce que vous voulez, dites-moi, chef. David Guetta. David Guetta. Ouais. D'accord, ok, c'est parti. Ok. Bon, on y retourne. Ouais. Une dernière fois. Oui, vous avez raison, on y va une dernière fois. Vous envoyez les mouettes. J'y mets. Une musique qui tabasse. Oui. Ah, les mouettes aussi. C'est bon ça, ouais. Ça tourne. Marcel, vous êtes plus jeune. Ah, je suis plus jeune. Et action. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban. C'est une énorme non, tour coupez, de roche. Coupez, ça va pas. Ah, désolé, pas. La non, jeunesse. Non, non. Bah déjà, j'ai 150 ans. Ça va pas du tout, Martine, là. Martine, vous en pensez quoi? Attendez, je vais vous éponger le front, là, parce que vous êtes en sueur. Attendez, excusez-moi. Attendez, le front est plus haut. Ah, j'espère non, que vous non, allez... Non, la c'est vision, ça vieillot, va pas. C'est vieillot, là. Oh, ça oui, va d'accord. Pas, ça va pas. Pourtant, il y avait les mouettes, David Guetta, tout ça, ça va pas? Monsieur Pagnol, je peux vous parler un instant? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, c'est parfait. Vraiment parfait. Il y a juste un tout petit détail qui m'emmerde, là. Oui, dites-moi. C'est votre accent. Vous ça voulez dire trop... mon accent? Je suis né à Aubagne. Non, mais on est en 2022, monsieur. Faut que ça chante, faut qu'on se marre. Mais c'est chantant, l'accent d'Aubagne. Est-ce que vous voyez les films de Danny Moon? Ça déchire au box-office, putain. Danny qui? Bah oui. Daddy Boone. Mais vous voyez pas la vision en fait. Vous n'avez pas la vision du réalisateur, Monsieur Pagnol. Monsieur Pagnol, je commence à être un peu vieux. Je vois plus grande chose. Monsieur Pagnol, concentrez-vous. Vous êtes. Je suis tout ouïe. C'est votre film, je respecte. Je ferai ce que vous voulez que je fasse. Est-ce que vous faites l'accent belge? L'accent quoi? L'accent belge. Oui, vous savez, la Belgique, cette magnifique culture qui fait de très bonnes frites, du chocolat. J'entends bien. La fameuse bière. C'est un très joli pays, mais moi je viens d'Aubagne. Oh, essayez, monsieur Pagnol, ça ne fait rien. Essayez, on va juste faire un test. Essayez, s'il vous plaît. D'accord, je vais essayer. Je suis né dans la ville d'Aubagne une fois. Ben voilà, c'est voilà. On parle là-dessus. Mais magnifique, c'est parfait. Magnifique. Chef, ça peut être que magnifique. Attendez, je vous éponge le front. Oui, merci. Voilà. Merci. Le front est plus haut, excusez-moi. Monsieur Pagnol, ne vous inquiétez pas, on est toujours dans la garrigue. D'accord. On est putain, faut que ça sente la frite, quoi. Faut que ça sente la frite. Oui, faut que ça sente la frite. Voilà, comme ça, je le tiens. Comme ça, je le tiens. Oui. Oh. Répétez après moi, faut que ça sente la frite. Faut que ça sente faut la ça frite. Sente la frite. Faut que ça sente la frite de Kong. Voilà, on y est. C'est magnifique. Quelle création, c'est magnifique. Attendez, je vous éponge le front. Oui. Ah, il est plus haut encore le front. Franchement, moi, ça fait tout faire. Allez. On y va. Martine, les mouettes. Les la mouettes. Musique qui tabasse. David Guetta. C'est parti. Monsieur Pagnol, vous y allez à fond. Faut que ça sente la frite. Je vais y aller à fond. On y reva juste une fois. Pour la petite Lucas. C'était une blague. Allez, ça tourne. Action. Je suis né dans la ville d'Aubagne une fois, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour bleue, plantée au bord du plan de l'aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de Louvaune. La tour, elle est un peu plus large que haute, hein, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de province. Et parfois, un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer à un moment. Alors, coupez. C'était beau quand même. Elle est très bonne. Franchement, monsieur Pagnol, vous avez vraiment fait un travail magnifique. Mais le réalisateur a vraiment. J'ai tout donné. Ah, mais le réalisateur a une vision. Marcel, c'était parfait, vous gardez ça. D'accord. Il y a encore un petit truc qui m'emmerde là. Ah bon, mais qu'est-ce que vous voyez alors vous du coup pas, dans en ce fait paysage? Les mouettes, David Guetta, l'accent belge, qu'est-ce qui se passe? C'est les jeunes. Oui. Les jeunes, ils vont entendre ça. Oui. Ils voient ça, ils s'emmerdent. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Faut faire du Marvel. Oui. Faut faire du combat. Oh, des explosions. Il faut des tripes qui se déversent. Des explosions, du sang, des zombies. Est-ce que vous avez des bruitages de guerre, par exemple? Oui, tout à fait, j'ai des explosions. Je peux même avoir, genre, le Titanic qui coule, je peux avoir plein de choses. Non, explosion, on part. Explosion. Soldat Ryan, Spielberg. D'accord, oui. Parfait. Ok, oui. Bon, monsieur Pagnol, on tourne le bon film. Oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, monsieur Pagnol. Les mouettes, c'est bon. La musique oui. Clubbing, c'est oui. bon. L'accent belge, monsieur Pagnol, c'est parfait. Oui. Donc, je continue, je reprends un peu plus loin. Je vous explique tout le contexte parce que j'ai une scène en tête. D'accord. 6 juin 44. Vous êtes un soldat belge de Provence. D'accord. Vous débarquez sur les plages dans les collines d'Aubagne. Ah, oh, c'est magnifique. Des explosions. Les rochers mais le débarquement de Provence, ce n'était pas en juin 44. Des balles qui sifflent autour de vous. Piou, piou, piou. Les mouettes alliées. La musique clubbing. Vous avancez en courant, ouais. La peur au ventre, tout en écrivant vos mémoires. Vous l'avez? Je vais faire de mon mieux. Martine, c'est bon, vous voyez. Ah, moi, j'ai complètement votre vision. Je suis totalement d'accord avec vous. Franchement. Vous envoyez tous les sons là. Ah, moi, j'envoie allez, tout. On y va. Allez, j'envoie ouais, ouais. tout. On y va? Monsieur Pagnol. Oui, je fais l'accent en belge. Oui. Ok, voilà. Allez, ça tourne. On envoie les bruitages. Oui. Action. Ce n'est donc pas une montagne, hein, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent au fond de la nuit, briller un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles, ils allumèrent le feu. Cet oiseau rouge dans la nuit de juin vola de colline en colline et se posa enfin sur la roche du Capitole. Apprit un rhum que ses légions des Gaules venaient d'égorger dans la plaine d'Aix les 100 000 barbares de Teutobochus. Mon père était le cinquième enfant d'un tailleur de pierre de Valrios, près d'Orange. Coupé. Mais bravo, monsieur Pagnol, bravo, bravo, bravo. Quelle interprétation divine. Tant mieux si ça vous plaît, je vous avoue que je suis un peu circonspect. Je comprends, mais il a une vision, vous savez, et il faut comprendre la vision de ce maître. Écoutez, j'étais moi-même réalisateur et je comprends, je fais confiance au réalisateur. Et ben voilà, c'est la fin, parce que j'ai plus de texte maintenant, donc il y a la musique qui va tourner. D'accord. C'est vrai, c'est fini. Ah, excellent. Ah bon, ça va. Oh, le bordel. Et le film, il ressemble à rien. Bah oui, c'est le but. Ça va être... Et Zaius, magnifique ta voix. Magnifique.